Chapitre 8e. Projets matrimoniaux. On se souvient que l'entrevue de Mary avec les autres jeunes filles de Greshamsbury avait eu lieu 2 ou 3 jours après l'offre généreuse que Frank lui avait faite de son cœur et de sa main. Mary était bien décidée à prendre la chose comme une folie et à n'en parler à personne. Mais elle n'en souffrait pas moins. Elle était fière et elle sentait qu'elle devait faire plier sa fierté devant la fierté des autres. Sans nom elle-même, elle ne pouvait se défendre d'un sentiment d'antagonisme amer contre ceux qui jouissaient du privilège qu'elle leur enviait le plus et qu'elle était décidée à mépriser en eux. L'œuvre de Dieu, se disait-elle, c'est l'homme et la femme tels qu'ils sortent de ses mains, animés d'une âme immortelle. Tout le reste n'est que l'invention des hommes, un vêtement taillé par la main du tailleur ou imaginé par les rois. Ne se sentait-elle pas capable d'agir aussi noblement, d'aimer aussi sincèrement, d'adorer son Dieu d'une foi aussi pure que si elle fût descendue d'une longue suite d'ancêtres? Elle se disait tout cela, et cependant elle comprenait que si elle eût été un homme tel que l'héritier de Greshamsbury, rien au monde n'aurait pu la décider à faire une mésalliance. À la place d'Augusta, elle n'aurait jamais épousé M. Moffat, quelque riche qu'il fût, s'il n'avait pas appartenu à une famille noble. C'est ainsi qu'en guerre avec elle-même, Mary se préparait à déclarer la guerre au monde pour des préjugés qu'elle partageait au plus haut degré. Mais devait-elle, parce qu'elle n'était la cousine de personne, renoncer à ses anciennes affections, à ses longues causeries avec Béatrice? Devait-elle se séparer de Patience Auriel, se bannir de tous ces petits conclats féminins de Greshamsbury dont elle était l'âme? Jusqu'alors, l'opinion de Mary Thorne avait été aussi souvent réclamée que celle d'Augusta, à moins qu'une des ladies de Courcy ne fût présente. Fallait-il donc renoncer à tout cela? Ces sentiments existaient entre les jeunes filles depuis leur enfance, et n'avaient jamais été mis en doute de part ni d'autre, et maintenant, Mary se demandait si sa position était fausse et s'il fallait la changer. Voilà ce qu'elle pensait lorsqu'elle avait refusé d'être demoiselle d'honneur d'Augusta, lorsqu'elle avait offert à Béatrice de se mettre à ses pieds, et qu'elle avait en quelque sorte chassé Lady Margaretha de la salle d'études. Tels aussi avaient été ses sentiments lorsqu'elle avait évité de donner la main à Frank en sortant de la salle à manger. Patience Auriel, s'était-elle dit, a le droit de lui parler de son père et de sa mère, qu'elle lui donne donc la main. Elle peut causer avec lui en toute sécurité. Et cependant, quand elle les vit se promener ensemble, elle eut toutes les peines du monde à retenir une larme. Pourquoi donc cette larme? N'avait-elle pas dit à Frank que sa déclaration n'était qu'un jeu d'enfant? Et ne le lui avait-elle pas dit lorsqu'elle croyait encore qu'un sang sans tache circulait dans ses veines? N'avait-elle pas vu du premier coup d'œil que sa tirade amoureuse méritait d'être tournée en ridicule? Et cependant elle avait les larmes aux yeux, parce que cet enfant qu'elle avait éloigné d'elle par sa sévérité, et dont elle avait refusé la main offerte par pure amitié, allait déposer ses hommages et ses plaisanteries au pied d'une beauté moins sévère. Son oreille attentive avait pu entendre que pendant tout le temps que Lady Margaretha avait été avec eux, ils avaient parlé haut et gaiement, et qu'après le départ de sa cousine, Frank avait baissé la voix d'une manière très significative. Elle hâta donc le pas, marcha droit devant elle, et peu à peu se trouva séparée du reste de la société. Le parc bordait presque de trop près un des côtés du village. Un long sentier, parallèle à un rang des maisons de Greshamsbury, s'étendait jusqu'à l'extrémité des jardins et aboutissait à une petite porte qui ouvrait sur le village. Tout près de là s'élevait un grand if au pied duquel se trouvait un banc d'où l'on pouvait voir, à travers une espèce de carrefour, l'église paroissiale située de l'autre côté du parc. Ce fut là que Mary dirigea ses pas et qu'elle s'assit, bien décidée à effacer la trace de ses larmes. « Je ne goûterai plus de plaisir ici, se dit-elle. Je ne suis plus l'une d'elles. Je ne puis plus vivre au milieu de ce monde tel que je suis. » Puis tout à coup elle se prit à haïr Patience Auriel. Et l'instant d'après elle eut honte de ce sentiment et se dit qu'elle aimait sincèrement Patience, que c'était une charmante fille et qu'elle espérait l'avoir un jour châtelaine de Greshamsbury. Alors les larmes qu'elle n'avait contenues qu'avec peine se firent jour et coulèrent avec abondance. « Que je suis sotte !» dit-elle en se levant vivement. À ce moment, elle entendit des voix tout près d'elle. C'était la voix de son oncle et celle de Frank. Dieu vous garde, cher Frank, disait le docteur. Quoique vous soyez un homme décidément, vous pardonnerez bien le sermon que vous venez de recevoir comme venant d'un vieil ami. Certainement, docteur, et de plus loin encore, si vous trouvez bon de m'en faire. En tout cas, ça ne sera pas pour ce soir, dit le docteur en s'éloignant. Puis, revenant sur ses pas. Si vous voyez Mary, dites-lui que j'étais obligé de m'en aller, mais que je l'enverrai chercher par Jeannette. Jeannette était la vieille servante du docteur. Mary n'aurait pu bouger sans être aperçue. Elle resta donc tranquille jusqu'à ce qu'elle eût entendu fermer la porte. Puis elle reprit rapidement le chemin de la maison. Mais elle entendit bientôt que quelqu'un la suivait, et l'instant d'après, Frank était à ses côtés. « Ah, Mary !» dit-il en l'appelant doucement. « N'est-ce pas étrange que je vous trouve juste au moment où j'ai un message pour vous ? Mais pourquoi êtes-vous seule ici ?» Le premier mouvement de Mary fut de lui rappeler qu'il ne devait plus l'appeler par son nom de baptême. Mais elle se souvint que, seul comme il l'était, il valait mieux ne pas aborder ce sujet. Les traces de ses larmes étaient encore visibles. Il sentait qu'au premier mot de tendresse, au premier effort qu'elle ferait pour feindre l'indifférence, ses larmes recommenceraient à couler. Il valait mieux, de toute manière, paraître oublier ce qui s'était passé. Elle se dit que, pour le peu de temps qu'il lui restait à vivre à Greshamsbury, elle pouvait laisser aller les choses. Elle comptait d'ailleurs éviter Frank autant que possible. « Votre oncle a été obligé d'aller à Silverbridge voir une vieille femme malade. »« À Silverbridge ? Il ne sera pas de retour de toute la nuit. »« Pourquoi n'a-t-elle pas envoyé chercher le docteur Century ?»« Probablement parce qu'elle se sera dit que deux vieilles femmes s'accordent difficilement. » Mary ne put retenir un sourire. Elle n'aimait pas voir son oncle aller si loin le soir. Mais elle éprouvait toujours un sentiment de triomphe quand il était demandé pour soigner les malades de ses ennemis. « Et Jeannette doit venir vous chercher, mais j'ai dit à votre oncle que je vous reconduirai. »« Oh non, monsieur Gresham, je ne le souffrirai pas. »« Je vous reconduirai, certainement. »« Comment ? Un jour comme celui-ci, quand tout le monde vous recherche et qu'il n'est question que de vous. »« Je commence à croire que vous voulez me brouiller avec la comtesse pour la vie. »« Que dirait Lady Arabella si elle vous savait absent et pour un semblable motif ?»« À vous entendre, Mary, on pourrait croire que vous allez jusqu'à Silverbridge vous-même. » « Peut-être. Si je ne puis vous accompagner, John ou George s'en chargera. »« Bonté divine, Frank, qu'y pensez-vous ? Les messieurs de Courcy m'accompagnaient ?» Elle s'était oubliée complètement et venait de se départir de la réserve qu'elle s'était imposée. En cédant à la tentation de plaisanter sur la grandeur des deux Courcy, elle avait appelé Frank par son nom de baptême avec tout l'abandon, toute la gaieté des anciens jours. Elle se ravisa aussitôt, redevint sérieuse, se mordit les lèvres et se promit d'être plus réservée à l'avenir. « Ce sera l'un d'eux ou moi, » reprit Frank. « Vous préféreriez peut-être George ?»« Je préfère Jeannette à n'importe qui, car pour elle, je suis bien sûr que ce n'est pas une corvée. »« Une corvée, Mary ?»« Oui, monsieur Gresham, une corvée. N'en est-ce pas une d'avoir à accompagner une demoiselle à travers la boue d'un village ? Tous les messieurs sont de cet avis. Il n'y a pas de boue. « S'il y en avait, on ne vous laisserait pas aller à pied. »« Ah, quand on est habitué au village, on n'y fait pas attention. Mais pour les jeunes élégants, c'est bien différent. »« Je vous porterai jusque chez vous, Mary, si vous le vouliez, » dit Frank d'un ton pathétique. « Ah, je vous en prie, monsieur Gresham, je ne le voudrais pas du tout. Une brouette serait encore préférable. »« Naturellement, n'importe quoi serait préférable à mon bras, je le sais bien. »« Vous figurez-vous jouant le rôle d'une bonne d'enfant et moi le rôle d'un bébé ?» Nous ne serions à notre aise ni l'un ni l'autre. » Frank était passablement déconcerté, et il savait à peine pourquoi. Il essayait de dire quelque chose de tendre à la dame de ses pensées, mais elle tournait en dérision tout ce qu'il lui disait. Mary n'était ni froide ni désobligeante, et cependant il était mécontent. Puis Mary plaisantait avec tant d'aisance. Tout ce qu'il disait lui paraissait venir d'un cœur si peu touché, que Frank ne put s'empêcher d'avoir un peu de dépit. Quand, trois jours auparavant, il l'avait quitté avec la conviction qu'il n'était pas aimé, il en avait ressenti un vif chagrin et une profonde humiliation. Depuis, il avait atteint sa majorité, il avait fait un discours, et on lui en avait adressé plusieurs. Enfin, il avait fait un peu la cour à Patience Auriel. Cœur timide n'obtient jamais gentille dame, il le savait. Il résolut donc de voir si l'audace ne réussirait pas mieux que la timidité. « Mary, » dit-il en s'arrêtant au milieu du sentier, car ils étaient arrivés près de la pelouse d'où l'on pouvait les voir. « Mary, vous êtes cruelle. » « Je ne le savais pas, Monsieur Gresham, mais si je le suis, ne me rendez pas l'appareil. Je suis la plus faible, ne soyez pas cruelle à votre tour. » « Vous avez refusé tout à l'heure de me toucher la main, » continua-t-il. « De toutes les personnes rassemblées ici, vous êtes la seule qui ne m'ait pas souhaité du bonheur, la seule... Moi, je ne vous ai pas souhaité votre fête. Je vous la souhaite, et de grand cœur, voici ma main. » Et lui tendit franchement sa petite main dégantée. « Vous êtes un homme à me comprendre. La voici, ma main. Seulement, n'oubliez pas comment elle est offerte. » Il la prit, et avec l'étreinte d'un ami. Mais il ne la lâcha pas comme il aurait dû le faire. Ce n'était pas un Saint-Antoine que Franck, et Miss Thorne était bien imprudente. « Mary, chère Mary, ma bien-aimée Mary, si vous saviez combien je vous aime !» Il avait le dos tourné à la maison et à la pelouse, de sorte qu'il ne vit pas tout de suite sa sœur Augusta qui s'avançait vers eux. Mary rougit et retira sa main d'un geste rapide. Augusta vit le mouvement, et Mary vit qu'Augusta avait tout vu. Frank, sentant la main lui échapper et entendant au même instant des pas sur le gravier, se retourna vivement. « Ah, c'est vous, Augusta, que voulez-vous » Augusta n'était pas méchante. Chez elle, le sang des deux Courcy était tempéré par celui des Gresham. Elle n'aurait pas voulu se faire un ennemi de son frère, mais elle ne put s'empêcher de penser à ce que sa tante venait de dire sur le danger de pareille relation. Et elle tressaillit malgré elle en voyant Franck au bord même de l'abîme que la comtesse avait fait entrevoir à sa mère. Augusta savait qu'elle remplissait un devoir en épousant le fils d'un tailleur pour lequel elle n'éprouvait aucune affection, et uniquement parce qu'il était riche, mais il était dur de penser que lorsqu'un des membres de la famille faisait un sacrifice pour la sauver, ce sacrifice était en quelque sorte rendu inutile par la folie d'un autre. La future Mrs. Moffat prit donc un air aussi indigné que put le faire la comtesse. « Eh bien, qu'y a-t-il » dit Frank d'un ton assez brusque. « Et que signifient ces grands airs ?» Frank avait été jusqu'alors un peu despote avec ses sœurs, et il oubliait que l'aîné allait passer de sa tutelle sous celle du fils du tailleur. « Frank, » dit Augusta d'un ton qui aurait fait honneur à son mentor, « ma tante de Courcy désire vous parler immédiatement. Elle est dans le petit salon. » Miss Gresham se promettait bien de faire la leçon à Mary dès que son frère les aurait quittés. « Dans le petit salon ?» dit Frank. « Eh bien, nous pouvons y aller tous ensemble, car le thé doit être prêt. »« Vous feriez mieux d'y aller tout de suite, Frank, ou la comtesse sera mécontente. Voilà 20 minutes qu'elle vous attend. Mary Thorne et moi nous rentrerons ensemble. » Il y avait dans le ton avec lequel Augusta prononça Mary Thorne quelque chose qui porta cette dernière à redresser vivement la tête. « J'espère, » dit-elle, « que Mary Thorne ne sera jamais un embarras pour l'un ou l'autre de vous. » Frank aussi s'était aperçu que l'air de sa sœur ne présageait rien de bon pour Mary, et il comprit que, quoique Augusta voulût bien supporter le fils d'un tailleur, elle n'était pas aussi disposée à supporter la nièce d'un docteur. « Eh bien, » dit-il, « je m'en vais. Mais souvenez-vous, Augusta, que si vous dites un mot de Mary... Ah, Frank, Frank, quel grand enfant vous êtes! Est-ce ainsi que vous entendez à faire la cour? Vous dites à l'une de ne pas rapporter ce que fait l'autre, comme si vous étiez les enfants vous amusant à déchirer vos habits à travers les haies. Oh, Frank, est-ce bien vous qui êtes l'héritier de Greshamsbury, arrivé à l'âge de discrétion, défiant à la course Harry Baker et l'honorable John? Vous, majeur, vous n'avez pas encore quitté le jupon de votre maman. Si vous dites un mot de Mary... » Il ne put en dire davantage, l'indignation de Mary était à son comble, et son regard le réduisit au silence avant même que ses paroles eussent frappé ses oreilles. « Dire un mot de Mary, Monsieur Gresham? Et pourquoi n'en parlerait-elle pas autant qu'elle le voudra? Je vais tout vous dire, moi, Augusta, et je vous prie de ne pas garder le silence pour moi. Pour ce qui me concerne, vous pouvez le répéter à qui bon vous semblera. Voici la seconde fois que votre frère... Mary, Mary, dit Frank d'un ton de reproche. Je vous demande pardon, Monsieur Gresham, mais vous m'avez forcé à tout dire à votre sœur. Oui, voilà deux fois qu'il s'est amusé à mes dépens en me disant des choses qu'il était cruel de me dire. Cruel, Marie ? Cruel à lui de me dire, reprit Marie, et qu'il serait absurde à moi d'écouter. Il est probable qu'il agit de même avec d'autres, ajouta-t-elle, incapable d'oublier la plus douloureuse de ses blessures. La conversation de Franck avec Patience Auriel. Mais avec moi, je le répète, c'est être cruel. Une autre pour l'écouter ou en rire, mais je ne le puis, moi. Je m'abstiendrai de venir à Greshamsbury quand il y sera. Et maintenant, Augusta, vous êtes parfaitement libre de répéter à n'importe qui tout ce que vous savez. » À ces mots, elle prit les devants, en marchant d'un pas de reine. Si Lady de Courcy l'eût rencontrée dans ce moment-là, elle lui aurait presque cédé le pas. « Ne rien dire de moi ? » répéta-t-elle à haute voix. « Mais il n'y a rien à cacher sur mon compte, rien, rien !» Augusta la suivit, confondue de son indignation, et Franck, dès que son premier moment de surprise fut passé, comprit qu'il devait à Marie quelques mots de justification. « Il n'y a rien à dire, Augusta, rien de moins de Marie. Mais si vous tenez à me désobliger, vous pouvez dire de moi que j'aime Marie Thorne de tout mon cœur et que je n'aimerai jamais qu'elle. » Ils étaient arrivés à la pelouse, et Marie, au moment de quitter le sentier qui conduisait à la maison, se tourna vers eux et dit à Augusta « Je ne puis l'empêcher de dire des folies, mais vous m'êtes témoin que je ne l'y encourage pas. » Il se dirigea, presque en courant, vers les jardins où elle venait d'apercevoir Béatrice. Franck essaya d'obtenir d'Augusta la promesse qu'elle garderait le silence sur tout ce qu'elle venait de voir et d'entendre. « Je comprends, Franck, dit-elle, que tout cela n'est qu'un jeu, mais vous ne devriez pas plaisanter ainsi. « Voyons, Gus, nous avons toujours été bons amis. Nous ne nous brouillons pas au moment où vous allez vous marier. » Il ne réussit cependant pas à obtenir une promesse positive de sa sœur. Franck trouva dans le petit salon la comtesse seule et qui attendait impatiemment. Il vit du premier coup d'œil que quelque chose de grave devait résulter de cette entrevue. Trois personnes l'avaient arrêté pour lui dire que la comtesse l'attendait, sa mère, une de ses sœurs et Lady Amelia. De plus, il s'aperçut qu'on montait une espèce de garde à la porte. La comtesse fronça le sourcil lorsqu'il entra dans la chambre, mais son visage se rasséréna presque aussitôt. Elle fit signe à son neveu de prendre un siège qui avait été préparé pour lui près du sofa sur lequel elle était assise. « Mon cher Franck, » dit-elle d'un ton parfaitement approprié à la gravité de la communication, « vous avez atteint aujourd'hui votre majorité. » Franck répondit affirmativement, ajoutant que c'était à cause de cela qu'on se livrait à la gaieté. « Oui, » reprit la comtesse, « vous êtes majeur à partir d'aujourd'hui, et j'aurais désiré qu'une semblable circonstance eût été célébrée d'une manière plus convenable. « Oh, ma tante, je trouve que nous avons parfaitement fait les choses. Greshamsbury est, ou du moins devrait être, la résidence du membre de la Chambre des communes le plus influent de tout le Barsetshire. Il l'est, en effet. Je suis sûr qu'il n'existe pas un être meilleur que mon père dans tout le comté. » La comtesse soupira. Son opinion à cet égard différait essentiellement de celle de Franck. « Il est inutile de revenir sur le passé, dit-elle. On n'y peut rien. Le premier représentant de Barchester devrait occuper une position, je ne dirais pas égale à celle d'un père. « Oh non, certainement, » dit Franck. Et il y avait un léger accent de sarcasme dans sa voix. « Non pas égale à celle d'un père, » reprit sa tante, « mais enfin une position très élevée. Ma première ambition est naturellement pour Porlock. »« Naturellement, » répéta Franck, qui ne put s'empêcher de penser à la fragilité de l'appui sur lequel la comtesse fondait son ambition, car la jeunesse de Lord Porlock n'avait pas donné grande satisfaction à ses parents. « Ma première ambition est pour Porlock. » Et un soupir échappa à la mère. « Mais après Porlock, c'est à vous que je pense, Franck. Je vous en suis bien reconnaissant, ma tante, mais vous verrez que tout ira bien. Greshamsbury n'est plus ce qu'il était, mon cher enfant. » « Vraiment, ma tante ?»« Non, certes. Je ne veux pas dire un mot contre votre père. C'est peut-être un malheur plutôt que sa faute si... »« Elle frappe toujours sur mon père, » se dit Franck, plus résolu que jamais à prendre le parti du squire. « Mais c'est un fait trop évident pour tous que Greshamsbury n'est plus ce qu'il était. Et il est de votre devoir de lui rendre son ancienne splendeur. »« De mon devoir ?» dit Franck un peu embarrassé. « Oui, Franck. Tout dépend de vous. Vous savez bien que votre père a contracté des dettes. Je crois avoir compris, d'après ce que j'ai entendu dire, qu'il est quelquefois un peu gêné. Puis il a vendu Boxall Hill. On ne peut guère espérer pouvoir racheter cette propriété puisqu'elle a été vendue à un enrichi, un entrepreneur de chemin de fer, je crois. Oui, un nommé Scatcherd. Et qu'il y a bâti une maison. Il est donc inutile d'y penser, mais il est de votre devoir, à vous, Frank, de payer les dettes de votre père et de racheter l'équivalent de Boxall Hill. Frank ouvrit de grands yeux et regarda fixement sa tante comme s'il eût douté qu'elle fût bien dans son bon sens. Lui, payer les dettes de son père. Lui, acheter une propriété équivalent à 4 000 livres sterling de revenus. Il attendit cependant en silence l'explication du mystère. Vous me comprenez, n'est-ce pas, Frank ? Frank fut obligé de convenir pour le moment, il ne trouvait pas que sa tante s'exprimât aussi clairement que de coutume. Vous n'avez qu'une seule route à suivre, Frank. Votre position, comme héritier de Greshamsbury, est excellente. Mais votre père a tellement compromis sa fortune, qu'à moins vous ne répariez vous-même ce malheur, vous ne jouirez jamais des avantages de cette position. Vous devez épouser une dot. Épouser une dot, répéta le jeune homme sans se disant pour la première fois que la fortune de Merrithon ne serait probablement pas considérable. Épouser une dot. Oui, Frank, je ne connais personne dont la position l'exige aussi impérieusement que la vôtre. Heureusement que cela ne vous est pas difficile. D'abord, vous êtes vraiment très bien. Frank rougit comme une jeune fille de 16 ans. Puis, à votre âge, vous n'avez pas d'affection absurde, d'engagement qui vous lie. Frank rougit encore. Comme elle est bien au courant de ce qui se passe, se dit-il. Et il se laissait aller à un petit mouvement de fierté en pensant à sa passion pour Mary et à la déclaration qu'il lui avait faite. Puis votre parenté avec les deux Courcy, dit la comtesse, terminant la liste des avantages de son neveu par celui qu'elle croyait le plus considérable, vous rendra la chose très facile. Vous n'aurez vraiment aucune difficulté. Frank ne put faire autrement que d'exprimer sa reconnaissance pour ses nobles parents. Je ne voudrais pas me mêler de vos affaires en sous-main, Frank. Aussi vais-je vous dire ce qui m'est venu à l'idée. Vous avez probablement entendu parler de Miss Dunstable, la fille du fabricant de la pommade du Liban. Et vous avez aussi entendu parler de sa fortune, continua la comtesse, ne daignant pas répondre à l'allusion que son neveu faisait à la pommade. Elle est immense, comparée aux besoins et à la position de n'importe quel membre de la chambre basse. Miss Dunstable doit venir sous peu au château, et je désire que vous vous y trouviez en même temps qu'elle. Mais, ma tante, dans ce moment-ci, justement, il faut que je me prépare pour mon examen que je vais passer au mois d'octobre. Votre examen, Frank, je vous parle de votre avenir, de votre position future, en un mot, de la chose la plus importante pour vous, et vous me parlez de votre examen. Frank n'en persista pas moins à dire qu'il devait passer son examen, et que dès le lendemain à 6 heures, il comptait se mettre sérieusement à l'ouvrage. Vous pourrez tout aussi bien vous préparer au château. Miss Dunstable ne vous empêchera pas, dit la comtesse, qui savait que l'on gagne quelquefois plus à céder qu'à ne faire aucune concession. Mais j'insiste pour que vous veniez en même temps qu'elle. C'est une charmante femme, très instruite et qui... Quel âge a-t-elle ? Demanda Frank. Je ne sais pas au juste, mais cela importe peu, j'imagine. A-t-elle 30 ans ? Dit Frank, qui considérait comme une vieille fille toute femme non mariée arrivée à cet âge. C'est possible, dit la comtesse qui avait de toute autre idée sur ce sujet. 30 ans, répéta Frank à haute voix tout en ayant l'air de se parler à lui-même. Son âge est une chose parfaitement insignifiante, reprit Lady de Courcy presque avec colère. Lorsqu'il s'agit d'une affaire aussi importante, je ne comprends pas que l'on s'arrête à des considérations secondaires. Si vous voulez porter la tête haut dans le comté, si vous tenez à le représenter au Parlement comme l'ont fait votre père, votre grand-père et tous vos ancêtres, si vous désirez conserver Greshamsbury et le laisser à votre fils, il faut que vous épousiez une dot. Qu'est-ce que cela vous fait que Miss Dunstable ait 28 ou 30 ans? Elle est riche, et si vous l'épousez, votre avenir est assuré. Frank fut tout surpris de l'éloquence de sa tante, mais il n'en prit pas moins la ferme résolution de ne pas épouser Miss Dunstable. Le pouvait-il en conscience, après avoir engagé sa foi à Mary Thorne en présence de sa sœur? Mais comme il ne voulait pas faire valoir cette excuse auprès de sa tante, il se creusa le cerveau pour en trouver d'autres. Et d'abord, il avait tellement à cœur de passer ses examens que pour le moment, il ne pouvait pas songer au mariage. Puis il proposa d'ajourner sa visite jusqu'à la saison de la chasse. Il déclare ensuite qu'il ne pouvait aller au château de Courcy avant d'avoir reçu un habillement complet que son tailleur devait lui envoyer. Enfin, il se souvint tout à coup qu'il devait faire la semaine suivante une partie de pêche avec M. Auriel. Mais aucune de ces raisons ne réussit à persuader la comtesse. « Quelle folie, Franck !» dit-elle. « Je m'étonne que vous puissiez penser à ces choses quand la prospérité de Greshamsbury est en jeu. Demain, vous viendrez avec Augusta au château de Courcy. »« Demain, ma tante ?» dit Franck du ton d'un condamné qui entendrait prononcer sa sentence d'exécution pour le lendemain. « Demain ?»« Oui, nous retournerons demain au château et nous serons enchantés de vous voir. Nous attendons nos hôtes jeudi ainsi que Miss Dunstable. Je suis sûr que vous l'aimerez. J'ai tout arrangé avec votre mère. Ainsi, vous viendrez, c'est convenu. Maintenant, bonsoir, Franck. » Franck, voyant qu'il n'y avait rien à faire, quitta la comtesse et se mit à la recherche de Mary. Elle était partie depuis une demi-heure avec Jeannette. Il alla donc trouver Béatrice. « Béatrice, je pars demain pour le château de Courcy, » lui dit-il. « Oui, maman me l'a dit. » « Bien. Comme je ne suis majeur que d'aujourd'hui, je ne veux pas commencer par les contrarier. Mais je vous déclare que tous les deux Courcy du Barsetshire ne me feront pas rester au château plus de 8 jours. »« Dites-moi, Béatrice, avez-vous jamais entendu parler de Miss Dunstable ?»